Squad, MMS, LDO, NRM, 67, 2015, 2020, 2100, 2200, salope. Shenzhen, Chavez, Berlusconi, Galère. Hein? Et yo? J'arrive asiatique, yeux brisés quand je découpe salope. Supranec vient découvre salope. Flow comme océan et comme des gouttes salope. Sur la prod, place des passements, dur, on veut le cash en banque. Faire des placements, prendre la tête, mettre des soupapes pour que le classement change. SODAT, PPDA, le succès, c'est pas mon but, demande à mes officiers. Au micro, geek, langage codifié, frisque Orléans, quand je pars, je vais être momifié. J'organise mes négros, dessine les plans comme Sir Alex Ferguson. Ça me fait mal quand je vois mes négros se faire assassiner par des blancs comme un Ferguson. Gardien, j'arrive au micro précis comme un colonel. Grain MC comme spaghetti bolognaise, je veux la fédération, nique un chronomètre. Salope, on vient pas si tu paies pas content. Le diable de nos armes, y'a pas de montant. Inch'Allah, ça va pas dans pas longtemps, gars. Inch'Allah, ça va pas dans pas longtemps. Fais prochainement ça. La terre, le diable de nos armes, y'a pas de montant. Salope, on vient pas si tu paies pas content. Inch'Allah, ça va pas dans pas longtemps. La terre, le diable de nos armes, y'a pas de montant. Salope, on vient pas si tu paies pas content. Salope, on vient pas si tu paies pas content. Le diable veut nos âmes, y'a pas de montant. Pyramide inversée, pour finir en Mercedes. Toi t'as l'élève gercé, quand tu donnes ton poule tes fesses. Berlusconi, tu fais ça trop easily. J'ai du temps à faire pour mes négros, y'a que pour toi bitch que je suis busy bitch. Nous comparons aux routins, puis tout ça des moutons. Rap game une bande de cons. 667 pour faire sauter cette merde, a tout juste dû appuyer sur deux boutons. Donne nos boys de business, donne nos boys de squash, shit only. Donne les gros rien que tu donnes me. Tartine le grade M6 sur le plan de me. Des tarots comme Kamasutra, négro y'en a marre tous ces traps. Type poisson, t'appelles betrap. Négro j'te jure tous les jours, faut cette monnaie c'est grave. Moi j'suis dans le vous êtes merde en douce dans le sachet. Faut du dope shit dans le paquet, avant l'apocalypse on se devait d'attaquer. Inch'Allah, ça va pas dans pas longtemps. La dame, le diable, nos amis, y'a pas de montant. Ça la convient pas si tu fais pas content. Inch'Allah, ça va pas dans pas longtemps. La dame, le diable, nos amis, y'a pas de montant. Ça la convient pas si tu fais pas content. Ça la convient pas si tu fais pas content. Non, non, pas si tu fais pas content. Ça la convient pas si tu fais pas content. Le diable, nos amis, y'a pas de montant. Toujours un peu mené. Le diable, nos amis, y'a pas de montant. Le diable, nos amis, y'a pas de montant. La découpe le mic, code 8-7. Cuisine CK, j'fais des milkshakes. Déguise ma lame, même si elle canne. Ça pop, c'est pourquoi t'es miché. Va chez l'Empire comme Disney, brique par brique, fuck un jab, S.O. Brinsley. On m'a dit slim, check, vite fait, c'est beaucoup trop chaga dans ce game, négro, puis me plaît. Quand le gazon comme un pompier. Plusieurs thérapeurs sont faits qui font pomper, les laisse pas tromper. MMS, P17, la foot va tomber. Troisième œil, tu peux pas me tromper. Même si, négro, j'suis trop foncé. T'es qu'à propos de l'infâme, nous qu'à propos de cons blé. On est toujours au-dessus du diable, bitch, fuck la bête. Côté thune, il voulait trop thune, maintenant faut les braquer, fuck la dette. Fuck le 666, tous les diamants viennent d'Afrique. Je suis free, jeune, je m'en rends élévation, ancestral, sur les tactiques. Inch'Allah, ça va pas dans pas longtemps. La dame, le diable, nos amis, y'a pas de montant. Ça la convient pas si tu fais pas content. Inch'Allah, ça va pas dans pas longtemps. La dame, le diable, nos amis, y'a pas de montant. Ça la convient pas si tu fais pas content. Ça la convient pas si tu fais pas content. Non, non. On vient pas si tu fais pas content. Ça la convient pas.